Chapitre 21. Préceptorat, chaussons. Si, ne pouvant réussir dans les petites places, je visais plus haut. Reste le métier de précepteur ou de secrétaire. Secrétaire ? Des amis m'ont déniché un emploi de secrétaire chez un Autrichien riche qui a besoin de quelqu'un pour écrire ses lettres et lui tenir compagnie le matin. J'aurai 50 francs par mois, j'irai de 8h à midi. C'est ce que je rêvais. J'aurai mes soirs à moi pour piocher. J'arrive chez l'Autrichien. Il est couché, ses habits traînent à terre au milieu de bouteilles vides et de bouts de cigares. On a dû faire une fière noce hier soir. « Ah, c'est vous qui m'avez été recommandé ? » fait-il en se tournant dans son lit. « Voudriez-vous ramasser mes vêtements ?» Il doit confondre. Il attend probablement un domestique. Moi, je viens comme secrétaire. Je le lui dis. « Qu'est-ce que vous me chantez ?» Je ne chante pas. Je lui rappelle que c'est pour être secrétaire. « Je le sais. Passez-moi mon pantalon. » J'hésite. Il était peut-être gris. Il a mal aux cheveux. Il est impoli quand il est en chemise, mais redevient gentleman quand il est habillé. Je pose le pantalon sur le lit. L'Autrichien sort des draps, met ses chaussettes, enfile son pantalon. « Voulez-vous me donner ma jaquette ?»« Non, je ne veux pas lui donner sa jaquette. Je lui donnerai une raclée s'il y tient. C'est tout ce qu'il aura s'il insiste. » Il insiste. « Ah, tant pis, je n'y tiens plus. Et je lui tombe dessus et je le gifle et je le rosse. J'y vais de bon cœur, mille misères. » J'ai pu réussir à m'échapper en bousculant voisins et portiers. Pourvu qu'il ne pense pas que j'emporte sa montre en partant. C'est ma dernière tentative d'ambitieux. Les places de secrétaire que je suis capable de trouver seront toutes chez les Autrichiens ivrognes ou des Français compromis, dans des maisons de comédie ou de drame. Précepteur ? Éleveur d'enfants dans une famille riche ? Je voudrais bien. Je voudrais connaître le monde, savoir leurs vices et leurs faiblesses, assez riches, pour pouvoir les blaguer ou les sangler un jour. J'aurai bien ma minute, tôt ou tard. Voyons à décrocher une place de précepteur. J'ai remué ciel et terre. J'ai fait des demandes d'une incroyable audace. Il faut se donner du mal, frapper partout, n'avoir pas peur, disent les livres de maximes et les gens de conseil. Je ne dis pas que je n'ai pas eu peur, au contraire. Mais j'ai frappé partout et je me suis donné du mal, un mal douloureux et héroïque. J'ai couru au devant du ridicule. J'ai avancé ma tête et mon cœur, mes suppliques et ma fierté entre des portes qui se sont refermées avec mépris. Courage, fierté, cœur et tête sont restés déchirés et saignants. J'ai fait des sauts de grenouille sur l'échelle des chiffres. « Demandez cher !» me disait-on. « J'ai demandé cher. »« C'est trop !» ont répondu les payeurs. « Demandez moins !» « J'ai demandé moins. »« C'est un gueux » a-t-on murmuré en me toisant. Chaque fois qu'une lettre de recommandation, prise je ne sais où, arrachée par mon génie à celui-ci ou à celui-là, m'a amené jusqu'à un salon, dès que j'ai rencontré une oreille forcée de m'écouter, j'ai offert mes services au prix le plus haut ou le plus vil, suivant qu'il semblait répondre au cadre dans lequel vivaient les gens à qui je m'adressais. Mais on m'a toujours éconduit. Ces recommandations étaient toutes de hasard, de briques et de broc. Je ne connais personne haut placé ou puissant. Puissant, haut placé. Il faut appartenir à l'Empire. Je ne puis pas, je ne dois pas, je ne veux pas être protégé par les gens de l'Empire. plutôt l'hôpital. Il ne manque pas de pieds à lécher. Pour me payer de la lécherie, on me jetterait peut-être une situation. Je n'ai pas la langue à ça. Par mon origine, je n'ai de racines que dans la terre des champs, point dans la race des heureux. Je suis le fils d'une paysanne qui a trop crié qu'elle avait gardé les vaches et d'un professeur qui a bien assez de chercher des protections pour lui-même. Il fait une petite classe, d'ailleurs, ce qui ne lui donne pas d'autorité et le prive de prestige. Où ramasser les introductions ? Par ce temps de banqueroutisme triomphant, de républicains exilés. J'ai eu une veine. Près de moi est venu demeurer un maître de chaussons misérable. Il est du midi, communicatif, bavard, pétulant. Je suis la seule redingote de la maison et il me cherche. Il me poursuit de ses bonjours, même de ses visites. Je ne puis m'en débarrasser et je prends le parti de causer boxe et savate avec lui pour ne pas trop souffrir, pour profiter plutôt de son encombrant voisinage. Quelquefois, le soir, il me donne rendez-vous dans une espèce d'écurie où il enseigne deux pelés et un tondu, et je me livre à la savate, faute de mieux. J'ai des dispositions, paraît-il. J'arrive à être un tireur, ce qui ne me donne pas mes entrées dans le grand monde et ne m'aidera pas à être de l'académie, mais ce qui me met en relation avec des saltimbanques. Mes professeurs, mes recommandeurs, ne m'ont pas jusqu'ici trouvé pour un sou d'ouvrage. Les saltimbanques m'en procurent. Ceux qui ont une médaille de charlatan, un écriteau de monstre, prenant la place de mes maîtres chargés de diplômes et d'hermines, m'offrent honnêtement de leur rédiger des boniments, des parades, des affiches pour la lutte, au tombeau des hommes forts, et des récits de prophéties miraculeuses pour des élèves de Mademoiselle Lenormand à 3 sous la séance.